Salut Titi. If you need a woman in bed with you, tell her in front what you can do. It's easy as pie. You don't have to be his heir, you don't have to lie. If you play the guitar, he won't be long, you'll be reading and singing the end song. It's easy you bet. You'll be big if you don't get. Attends, je vais aller me rouler une clope. Ah non, écoute, en ce moment, c'est dramatique. Et je suis pas le seul, hein. Tous mes collègues restaurateurs, les mecs, personne branle rien. Les magasins sont vides, c'est une catastrophe. Ah oui, c'est vraiment n'y rien comprendre, hein. Je sais pas de quoi les gens ont peur, mais Jean Touraine. Ah, oh, mais je sais plus qui c'est qui me disait que dans le Midi, en ce moment, c'était pareil. J'espère que ça va pas durer trop longtemps parce que ça commence à être dur. Hein. Pars dans une tonalité qui t'arrange, Watson. Non, non, c'est des roulés, moi. C'est pour ça que je les rallume souvent. It's a lesson too late for the learning, made of sand, in a wink of an eye my soul is turning, in your hand, are you going away with no word of farewell, can there be no the trees left behind? I could have loved you better, did not mean to be unkind. You know that was the last thing on my mind. You got reason plenty for going. Thank you. Attends, je vais remonter sur la table. Tu entends la batterie derrière ? Ah ouais, j'ai que deux pistes qui passent pour ça. En USB. J'ai une boîte à rythme derrière. Malheureusement, c'est qu'en USB... La table de mixage, il n'y a que deux pistes qui sont prises. Tu l'entends un peu ? Je sais pas comment faire en sorte que ce con de port USB prenne les deux pistes, à moins que j'en rajoute une troisième, je vais voir. Ouais, c'est une pédale de loop sur laquelle j'ai enregistré des drums. Oh,